Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouvel épisode d'ActuVu, le podcast 100% Actu des étudiants de l'école de journalisme de Toulouse. Vous êtes peut-être en vacances, bien loin de vous soucier de ce qui est à la une en ce moment, pas de soucis, on le fait pour vous. Le secteur du nucléaire français adopte un nouvel organisme de contrôle. L'Autriche accuse d'espionnage l'un de ses anciens agents. Emmanuel Macron en visite à l'usine Urenco de Bergerac. La sélection du Festival de Cannes en partie dévoilée. Et rupture actée entre Jean-Luc Hiss et Europe 1. Tout ça arrive dans deux minutes après le affluoté d'Alexandre. La Suisse condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour inaction climatique, c'est la première fois qu'un État est condamné par la CEDH pour ce motif, une décision qui va maintenant pousser les 46 États membres du Conseil de l'Europe à agir concrètement pour lutter contre le réchauffement climatique. Le gouvernement doit encore trouver 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Annonce de Bruno Le Maire dans la semaine, en cause un déficit public plus important que prévu, 5,1% du PIB contre 4,4% anticipé initialement. Pour trouver ces 10 milliards, plusieurs pistes sont étudiées, mais le gouvernement ne touchera ni aux ménages, ni à la quasi-totalité des entreprises, selon Bercy. Il vous est peut-être déjà arrivé de prendre un rendez-vous chez le médecin, oublier de le décommander et le rater. Eh bien, le gouvernement veut faire payer 5 euros à ses patients fautifs, c'est la taxe lapin. Une mesure qui ne convainc pas le patron de Doctolib, il estime que cette taxe entraverait l'accès aux soins à une partie des patients. 70 kilos de résine de cannabis, près d'un kilo de cocaïne, 7000 euros en espèces et deux lingots d'or. Tout ça retrouvé chez une mère accusée d'être au cœur d'un trafic de stupéfiants. Cette élue, c'est Jamila Absaoui, maire de la commune d'Avallon, c'est dans l'Yonne. Elle a été placée en détention provisoire après cette très grosse saisie à son domicile. L'un de ses frères, déjà condamné pour trafic de stupéfiants, affirme qu'elle n'en savait rien. 3 mois et demi de négociations sur l'emploi des seniors et un échec probable. Les discussions entre patronat et syndicats se sont achevées sur une note plutôt amère cette semaine. Ces négociations devaient en gros aider les salariés les plus âgés à rester le plus longtemps en poste, l'une des préoccupations pendant la réforme des retraites. Le taux d'emploi des 60-64 ans n'était que de 36,2% en 2022. O.J. Simpson est décédé à l'âge de 76 ans. L'ancienne star du football américain était surtout connue pour le procès du siècle, un procès à la fin duquel il sera déclaré non coupable du meurtre de son ex-épouse et d'un ami de celle-ci. À l'époque, en 1995, les débats avaient fait le tour du pays et cette décision d'acquittement fait toujours parler aujourd'hui. Debout ! Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Moi ! Mais qui elle est, celle-là ? Quelle indignité. Mercredi 10 avril, le Parlement a adopté la fusion de l'autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection. En gros, ce sont les gendarmes du nucléaire. Benjamin, cette décision ne passe pas très bien dans le milieu de l'énergie français. L'autorité de sûreté nucléaire et l'expert technique, l'Institut de radioprotection, ne feront bientôt plus qu'un. Au 1er janvier 2025, les deux entités constitueront le même organisme, l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. L'objectif du gouvernement est clair, réduire les délais dans les expertises, dans les processus de décision et dans les contrôles pour fluidifier le secteur du nucléaire. Mais cette décision est remise en cause par plusieurs corps intermédiaires. Et les premiers à être montés au créneau, ce sont les syndicats d'ingénieurs. L'intersyndicale d'ingénieurs du nucléaire, par exemple, est pour une indépendance totale entre les deux entités. Ils ont chacun un rôle bien défini. Quand le premier, l'ASN, a le pouvoir de la décision finale en termes de nucléaire, le second, l'IRSN, analyse toutes les données d'exploitation et produit des rapports pour l'ASN et critique parfois quelques points de la stratégie nucléaire française. Certains professionnels du secteur parlent même de la fin de l'indépendance de l'IRSN, qui pourrait voir ses rapports bridés et ses avis ne plus être partagés publiquement. En 2021, l'IRSN avait obligé EDF à fermer deux réacteurs nucléaires pour pouvoir réaliser des contrôles. Et il faudra un QR code pour circuler à Paris pendant les Jeux de cet été. Après le pass sanitaire il y a quelques années, le QR code fera son grand retour pendant les JO. Pour pouvoir se déplacer dans le périmètre des Jeux et proche des sites olympiques, les riverains notamment devront présenter le fameux sésame. Avant cela, ils pourront renseigner leur identité sur une plateforme qui sera lancée par le gouvernement à partir du 10 mai prochain. 200 000 personnes sont concernées par cette mesure. Le Sénat limite le droit de grève dans le secteur des transports. Le gouvernement pourra bientôt utiliser un quota de 30 jours pendant lesquels les personnels des services publics de transport ne pourront pas faire grève. Cela permettra notamment de limiter les perturbations pendant les grands événements, dont les JO cet été. Et cette mesure ne concerne pas le secteur aérien. God save the king. Sono una donna, sono una madre, sono italiana. I have a dream. Be you. Be proud of you. Un ancien officier des renseignements autrichiens accusé d'espionnage par son propre pays. Or, ce n'est pas un scénario de Steven Spielberg, mais bien la réalité. L'homme a été arrêté en Autriche fin mars. Enzo, il est soupçonné d'avoir agi pour le compte de la Russie. À la manière de Tom Hanks dans Le Pont des Espions, Egisto Haute est accusé d'avoir revendu des informations confidentielles tirées des bases de données de la police autrichienne à la Russie. Alors le film ne s'arrête pas là. L'espion aurait fait fuiter l'adresse de Christo Grozev, auteur d'une enquête sur des empoisonnements russes. Victime d'un étrange cambriolage en 2022, le journaliste bulgare a perdu la main sur l'un de ses ordinateurs qui serait dorénavant dans les bureaux de Moscou. Et il y avait déjà des doutes contre l'espion en 2017, mais finalement, aucune réelle conséquence à cette époque. Bah non, hein, Monsieur Haute était déjà soupçonné de revendre des informations aux Russes suspendues par les renseignements polonais. Il va réintégrer le ministère de l'Intérieur tout en continuant ses activités d'espion. Alors l'affaire est relancée par le Royaume-Uni début 2024 afin de faire réagir les autorités autrichiennes. Aujourd'hui, Vienne rapporte les faits d'armes de son ancien officier dans un document d'une centaine de pages. Et si le Kremlin s'intéresse à l'Autriche, ce n'est pas pour rien. Et oui, hein, et c'est le quotidien viennois Falter qui a mis la main sur un document secret sur les complices de Poutine à Vienne. Alors tous dans les cercles proches du pouvoir autrichien. Mais pourquoi ce pays est une cible pour Moscou? Eh bien parce que plusieurs organisations internationales y siègent et l'Autriche reste très dépendante au gaz russe, une relation économique couvrant un désordre géopolitique. À quelques semaines des élections législatives, le climat est donc tendu pour l'instant. L'extrême droite qui soutient ouvertement la Russie est en tête dans les sondages. Il était donné perdant. Et il a perdu. En Corée du Sud, défaite pour Yoon Suk-yeol aux législatives. Le président sud-coréen n'a pas réussi à gagner une majorité. Le Parti démocratique de Corée l'emporte et promet une seconde moitié de mandat difficile pour l'ancien procureur devenu président. L'opposition possède donc aujourd'hui 178 sièges contre 108 pour le gouvernement. Le Parlement européen adopte des règles migratoires communes, le pacte migration et asile. Il aura donc fallu attendre 4 ans pour que l'Union européenne se décide. Après un échec en 2016, Bruxelles approuve une dizaine de textes permettant le filtrage d'arrivées irrégulières et des demandeurs d'asile. Viktor Orban et le RN ont voté contre. Ça sent la poudre à Bergerac, le président de la République s'est rendu dans l'usine Eurenco, usine qui fabrique de la poudre à canon et qui est en pleine phase de recrutement, Elliot. 350 emplois en 2 ans pour le site d'Eurenco de Bergerac en Dordogne. C'est un des symboles de la relocalisation de la production de l'armement français. L'usine va aussi doubler sa production et a lancé la construction de 15 nouveaux bâtiments. Sur le site de Bergerac, on fabrique de la poudre pour les obus qui sont envoyés notamment en Ukraine, des obus qui servent de munitions aux canons César également livrés par la France. Cette production permettra d'atteindre 1200 tonnes de poudre par an en sortie d'usine. Une nouvelle qui arrive dans un contexte de mobilisation globale des acteurs de l'armement. Oui, parce que les obus produits en France viennent de plusieurs endroits. Les forges de Tarbes ont elles aussi été relancées et produisent les corps creux des obus. La France s'est donné pour objectif de produire 100 000 obus cette année, dont 80 000 pour l'Ukraine. Emmanuel Macron parle d'économie de guerre depuis 2 ans. Alors si l'expression est exagérée, puisqu'on est loin des privations des Première et Seconde Guerres mondiales, on voit quand même une mobilisation exceptionnelle de toute la filière. Et les armes technologiques ne sont pas en reste non plus. La société toulousaine Delair a reçu commande pour 2000 drones par le ministère des Armées. Ces armes aussi prendront la direction de l'Ukraine. Avec ses commandes, la France est devenue le deuxième plus gros exportateur d'armes au monde. Elle a doublé la Russie, mais reste toujours loin derrière les États-Unis. Un projet de loi sur la fin de vie pour améliorer les soins palliatifs en France. Le projet prévoit une augmentation de 1,1 milliard sur les crédits de la sécurité sociale accordés aux soins palliatifs en 10 ans, c'est-à-dire qu'on passera de 1,6 milliard par an aujourd'hui à 2,7 milliards dans 10 ans. 11 départements sont dépourvus d'unités spécialisées en soins palliatifs. Mais le plan devrait y remédier. Ces unités spécialisées permettent d'atténuer les symptômes et notamment les douleurs des malades. La compagnie pétrolière Esso se désengage de la raffinerie de Fos-sur-Mer. La firme américaine a annoncé vendre la raffinerie où travaillent 310 employés. Cette raffinerie stratégique très productive est située à côté d'une zone portuaire a déjà trouvé repreneur. Les emplois devraient être maintenus par le consortium Rhône Énergie qui rachète le site, permettant ainsi de maintenir la capacité de 7 millions de tonnes raffinées par an. Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi tu me parles pas d'âge. I recoup the ball. La sélection officielle de la 77e édition du Festival de Cannes a été en partie dévoilée cette semaine. Et Charlotte, quelques noms bien connus seront attendus sur la croisette. D'abord, le cinéaste américain de 85 ans, Francis Ford Coppola, à Cannes avec son film Mégalopolis, un long métrage avec un budget à 112 millions d'euros. Le réalisateur a déjà obtenu deux fois la Palme d'Or pour Conversation secrète en 1974 et Apocalypse Now en 1979. Dans les autres grands noms du cinéma, David Cronenberg sera en compétition pour The Shroud avec Vincent Cassel et Diane Kruger. Deux autres Américains, Paul Schrader et Sean Baker, sont nommés dans la compétition malgré la longue grève menée durant plusieurs mois aux États-Unis par les scénaristes et les acteurs. Des hommes, beaucoup d'hommes, mais aussi quelques femmes. Oui, quatre réalisatrices seront en compétition lors de ce festival. C'est deux de moins que l'édition précédente. Mais on retrouvera quand même les Françaises Coralie Farja pour The Substance et Agathe Riedinger pour Diamant Brut. La réalisatrice indienne Payal Kapadia avec le film All We Imagine as Light. La britannique Andrea Arnold sera quant à elle en lice pour Bird. Enfin, parmi les deux Français de la liste, Gilles Lellouche fait son entrée en compétition avec L'Amour Ouf et son casting composé notamment de François Civil et Adèle Exarchopoulos. Au total, ce sont 19 longs métrages qui ont été retenus en compétition officielle pour la Palme d'Or. Le Festival de Cannes, qui aura Camille Cotin en maîtresse des cérémonies, ouvrira avec la nouvelle comédie de Quentin Dupieux, le deuxième acte, avec du beau monde, Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel ou encore Raphaël Quenard. On sait aussi que George Lucas, le père de la saga Star Wars, recevra la Palme d'Or d'honneur. Elle lui sera remise lors de la cérémonie de clôture le samedi 25 mai. Dimitri Bascou, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio sur le 110 mètres et contrôlé positif à un stéroïde. L'athlète de 36 ans risque 4 ans de suspension. Alors selon France Info, l'origine serait possiblement liée à un complément alimentaire sur un contrôle effectué le 28 janvier dernier. Le hurdleur français a témoigné assez vite son étonnement à France Info en déclarant qu'il n'avait fait aucun faux pas dans sa carrière. Puis c'est une histoire qui commence avec un simple « Mais si, je suis très net !» et qui finit avec la flamme olympique. Si je vous dis Baptiste Moirot, peut-être que cela ne vous dira rien. Pourtant, il a enflammé la toile en 2017 en postant une vidéo sur Facebook. Baptiste s'était filmé en train de jouer avec du feu dans sa chambre. Sa mère a débarqué et a lancé le mythique « Mais t'es pas net, non ?»« Mais si, je suis très net !» Le jeune homme sera officiellement un des porteurs de la flamme olympique pour les JO 2024. Un événement pour que Baptiste allume la flamme olympique des JO 2024 à Paris avait rassemblé près de 275 000 personnes sur Facebook. Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste. Colline, c'est quoi ton journal préféré ? Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ? À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos. L'amour n'aura pas duré, Jean-Luc Hess et Europe 1 s'est déjà terminé un mois seulement après sa nomination au comité éthique de la station de radio. Pierre, je crois qu'on peut le dire, un flop de plus pour Europe 1. Oui, c'est surtout que Jean-Luc Hess, ce n'est pas n'importe qui dans le paysage médiatique, ancien directeur de France Inter, ancien PDG de Radio France de 2009 à 2014 et aussi, plus contestable, membre du comité d'éthique de Russia Today jusqu'en 2020. C'est donc un homme d'expérience qui claque subitement la porte d'Europe 1. La raison ? Pascal Pro. Oui, sans mentir, dans la peau de l'auditeur, il a amèrement constaté la ligne éditoriale de la tranche horaire 9h-9h30, celle donc consacrée à Pascal Pro. Ce qui est un peu plus douteux, en revanche, c'est que S semble avoir appris la nouvelle formule d'Europe 1 il y a 4 semaines. L'argument paraît un peu gros. Et mine de rien, c'est un départ d'envergure pour le comité éthique de la station, un comité dont les missions restent assez floues. Oui, c'est un groupe qu'on connaît assez mal, et pourtant, chaque média en dispose d'un. Il est composé de plusieurs personnalités indépendantes, mais quand même désigné par le propriétaire du média, donc ici pour Europe 1, Vincent Bolloré, voyez la nuance. Ces comités éthiques sont institués depuis la loi Binoche de 2016, justement suite au saccage de ITL et Canal+. Ça concerne toutes les chaînes de télévision et les stations de radio. Leur mission, veiller à l'honnêteté, l'indépendance et au pluralisme de l'information. Mission qu'a jugé impossible de mener à bien Jean-Luc Hess, qui laisse le comité orphelin d'un de ses trois membres. Alors il avait déjà fait le coup à RT France en 2020, la suite on la connaît pour la chaîne. Europe 1 déjà en nette chute dans les écoutes, 1,2 million d'auditeurs en moins par rapport à septembre 2022, enregistre un nouveau coup dur malvenu. C'est la fin de cette Actu Vue. Merci à tous les chroniqueurs et merci à Valentine qui s'est chargée de la technique. Promis de mon côté, je vais essayer de vous monter un épisode à la bonne vitesse, on va éviter le x2. Les podcasts, c'est bien, mais vous pouvez aussi nous suivre sur Insta et TikTok, on poste du contenu assez régulièrement. Merci pour votre écoute et bonne semaine à tous.